Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Promutuelle Assurance est fière de présenter ce balado. Assurance auto, habitation et entreprise, on est là pour vous offrir les protections adaptées à vos besoins. Pour assurer votre paix d'esprit, Promutuelle Assurance est là. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, en attendant Beckett. En 1953, en attendant Godot, le lance vraiment à la première page de l'actualité théâtrale. Depuis, il a écrit d'autres pièces. On a vu ici à Montréal, jouer au Rideau Vert, justement, par Madeleine Renaud, « Oh, les beaux jours », il y a également « Fin de partie », comédie, etc., qui sont toutes des pièces qui traite de l'absurdité de la vie. L'homme de théâtre québécois Jean-Louis Roux à l'émission Femmes d'aujourd'hui en avril 1969, c'est en effet la pièce En attendant Godot qui va propulser Samuel Beckett à l'avant-scène de ce qu'on va appeler le théâtre de l'absurde. Si le succès de Beckett arrive tardivement dans sa vie, son style si particulier, son univers si singulier vont lui permettre néanmoins de se retrouver au panthéon des plus grands auteurs du 20e siècle. Godot! Il a dit Godot! Mais non! Vous n'êtes pas Monsieur Godot, monsieur? Je suis Pozzo! Ce nom ne vous dit rien? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien! Il y a toujours eu quelque chose dans cette pièce-là qui m'attirait sur un regard sur l'humanité. Mais très, très concis, très précis, mais surtout très concis, tu sais? T'as un intellectuel dont sa souffrance réside dans son chapeau. Et t'as un gars plus terre-à-terre qui a besoin de répondre à ses besoins primaires d'abord dans la vie, qui est grandé. Son problème principal, ce sont ses pieds. J'ai toujours été très humaniste. Et ça m'interpellait. Et je pense que ça a été général, là, vraiment, au niveau de l'équipe. Et on s'est dit, OK, faut faire 5 minutes. Impossible de faire 5 minutes de Godot. Ça a fini qu'on est allé voir le prof, on disait, écoute, on ferait la totalité du deuxième acte. Qui est Godot? Godot? Vous m'avez pris pour Godot. Ah non, monsieur, pas un seul instant, monsieur. Qui est-ce? Eh bien, c'est une connaissance. Mais non, voyons, on le connaît à peine. Évidemment, on ne connaît pas bien, mais tout de même, pour ma part, je ne le reconnaîtrai même pas. Vous m'avez pris pour lui. Bon, c'est-à-dire que l'obscurité, la fatigue, la faiblesse. L'attente, j'avoue, un instant, j'ai cru... Ne l'écoutez pas, monsieur, ne l'écoutez pas. L'attente. Vous l'attendiez donc? Extrait de la production de la pièce « En attendant Godot », la production qui était présentée au Festival d'Avignon en 1979. Et vous entendiez également, dans cet extrait, le comédien Benoît Brière parler de sa rencontre avec cette pièce « En attendant Godot » à l'émission « Les grands entretiens » diffusée en octobre 2016 pour nous présenter le singulier parcours et la non moins singulière œuvre de Samuel Beckett. Je reçois l'auteur et journaliste littéraire Daniel Lorrain. Daniel Lorrain, bonjour. Bonjour, Jacques. Où le situer, Samuel Beckett, dans l'histoire de la littérature au 20e siècle, Daniel Lorrain? Mais d'abord, préciser qu'il est né en 1906, donc dans une famille protestante en banlieue de Dublin. Il est mort le 22 décembre 1989 à Paris, lauréat quand même du prix Nobel en 1969. Sa particularité, c'est vraiment que son œuvre, elle est minimaliste, associée à l'absurde, vous l'avez dit, pas toujours nécessairement facile d'approche, souvent vue comme pessimiste, mais qui n'est pas dépourvue d'humour, par ailleurs. En fait, je dirais que la grande dominante, c'est peut-être la dérision dans son œuvre. Et au fil des ans, son œuvre, son style, son langage, s'est dépouillé, s'est épuré, s'est devenu concis. Et lui-même disait, en fait, qu'il faisait de moins en moins confiance aux mots. Ouais. Hein, donc, c'était même presque sec, je dirais. Ouais. Au rayon de l'absurde et du théâtre de l'absurde, il y a évidemment un géant qui est Ionesco. Comment on peut comparer les deux hommes, Beckett et Ionesco? D'ailleurs, c'est c'est intéressant de savoir que les mêmes comédiens souvent jouaient dans les pièces de l'un et de l'autre et s'échangeaient leurs comédiens. Donc, deux contemporains, donc nés à peu près à la même époque, morts à peu près à 5 ans d'intervalle, les deux proposent, on peut dire, une méditation sur l'angoisse de notre condition humaine. C'est peut-être la ligne directrice. Et les deux font dans la dérision, mm-hmm. les bizarreries, les extravagances, le langage qui détonne. Ionescu, qui était roumain, a choisi, tout comme Beckett, d'écrire en français aussi. Donc, un rapport très particulier à la langue. Bon, Ionescu n'a pas eu le Nobel, mais il a reçu... il a été élu à l'Académie française en 1970. Son œuvre est, comme celle de Beckett, traduite ouais. un peu partout. Évidemment, on pense à la cantatrice Chauve, ouais. qui joue encore en ce moment à Paris au Théâtre de la Huchette, qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, oui, vous le disiez, les deux sont des maîtres de l'absurde, en fait. Mais on a associé aussi à l'absurde de Genet, Adamov. Donc, c'est toute une théâtralité qui est née dans les années 50, ouais. dans l'après-guerre. C'est-à-dire que c'est fondé sur une vision pessimiste de la condition humaine. C'est la perte de l'innocence après ouais. la Deuxième Guerre. Donc, tout ça joue dans la façon d'entrevoir le théâtre. Et en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique du sport, tel, le tennis, le football, la course et à pied, à bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la natation, le tennis, le canoë. J'arrive au théâtre de Babylone et je tombe sur une répétition de Godot qui était jouée donc par les comédiens qui l'ont créé, c'est-à-dire Pierre Latour, Lucien Rimbourg, Roger et l'acteur qui devait jouer Pozzo qui était absent. Et Roger me dit, voilà, le comédien comprend pas beaucoup la pièce, ne l'aime pas beaucoup non plus et enfin n'a pas envie de jouer Pozzo. Il n'y avait pas d'autre solution que ce soit Roger qui joue le rôle de Pozzo, le rôle se trouvant libre, mais il fallait trouver quelqu'un pour jouer Lucky. Et Roger me dit, est-ce que tu veux ? Bah, je lui dis, écoute, a priori, oui. Roger m'a donné tout le texte de la pièce. Vous dire que j'ai compris immédiatement et totalement la pièce, ça serait certainement mentir. Mais en étant le plus honnête possible vis-à-vis de moi-même, je crois que je l'ai trouvé passionnant, parce que a priori, il ne se passe pas grand-chose dans cette pièce. Or, le texte, on y est sensible ou pas, mais si on est sensible à ce genre de texte, il fonctionne très bien. Alors, c'est, on l'a dit, Daniel Lorrain, en attendant Godot qui lance la carrière de Samuel Beckett. La pièce est publiée en 52. Elle est montée, créée l'année suivante en 53. Et le comédien Jean Martin, qu'on vient d'entendre à l'émission Les chemins de la connaissance à France Culture en 86, a fait partie de l'équipe de la création de la pièce. Comment décrire cet objet théâtral, j'allais dire difficilement identifiable? Oui. En fait, il disait, c'est une pièce où il se passe pas grand-chose et c'est vrai. Donc, c'est une pièce en deux actes. C'est très simple, c'est une pièce sur l'attente, Jean-Louis Roux le disait lui-même. La trame, c'est deux hommes, Vladimir, Estragon, ils attendent au pied d'un arbre, ils attendent Godot, comme on attend le salut, si vous voulez. Et là, il y a deux autres hommes qui viennent un peu les distraire, Pozzo et Lucky, qui entrent en jeu. Il y en a un qui c'est un barbare, pas possible, l'autre est son esclave. Il distrait un peu nos deux bonhommes qui sont là, qui attendent au pied d'un arbre. Mais au final, il reste que Godot ne viendra pas. Ouais. Donc c'est ça, la pièce. Ouais. Ils attendent quelqu'un qui ne vient pas. Et Beckett disait, le sujet principal est l'attente de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'existe peut-être pas et qui ne viendra pas. Ouais. Alors, vous savez... beaucoup demandé qui était Godot. Ben oui. Godot, God, Dieu, est-ce que c'est Dieu qu'ils attendent? Oui, il y a eu beaucoup d'interprétations dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est l'attente désespérée de Dieu qui ne vient pas. Mais on peut aussi voir cette pièce-là comme mettant en scène des errants qui ont usé leur godillot sur les routes, qui sont des marginaux rejetés par la société. Ouais. On peut les voir comme des migrants qui attendent leur passeur, leur sauveur. Donc, il y a eu toutes sortes d'interprétations, même politiques, psychanalytiques, de cette pièce-là. Lui, il dit non. Godot, ce n'est pas Dieu, parce que si j'avais voulu faire entendre cela, je l'aurais appelé Dieu et ouais. pas Godot. Ouais. Donc, lui nie complètement qu'il s'agit de Dieu. En fait, il dit, je ne sais pas qui est Godot, je ne sais même pas surtout s'il existe, et je ne sais pas s'ils y croient ou non, ouais. les deux qui l'attendent. Ouais. Mais reste que cette pièce-là va être marquante, va devenir un classique. En même temps, c'est un tour de force, Daniel Lorrain. Il se passe rien dans cette pièce-là. C'est une nouvelle forme de théâtre, d'écriture. Qu'est-ce qui fait que cette pièce-là va devenir aussi importante? Mais c'est l'aspect tragicomique de la pièce, je pense, qui fait sa force. On s'attache vraiment à ces deux-là, Vladimir et Estragon, à leur espoir. Ils attendent, ils disent « Oh, mais il n'est pas là, mais il va arriver demain, on va attendre. Oh, mais il n'est pas là le lendemain, mais on va encore attendre. » Il y a cet espoir-là. Et donc, c'est tragique et en même temps, c'est comique parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des pitreries, ils se frappent l'un l'autre, etc., etc., un peu comme des clowns. Ouais. Hein, c'est un peu comme des clowns tristes, en quelque sorte. Et c'est le fait aussi, je pense, qu'on peut accoler toutes sortes de significations à cette pièce-là, dépendamment de qui on est. En fait, c'est une pièce intemporelle, universelle, sur la condition humaine, et je dirais qui aussi nous amène à remettre en question le sens de notre propre existence et la façon dont on a de voir le monde autour de nous. Dans quel contexte Beckett se lance style dans l'écriture d'En attendant Godot? Ben, on est en fait à la fin des années 40. Il vit à Paris avec sa compagne, Suzanne, une Française qu'il a rencontrée un peu avant la guerre et qui va d'ailleurs devenir la femme de sa vie. Donc, il écrit directement en français en 1948. À ce moment-là, il n'y a aucune expérience théâtrale. Il est pratiquement inconnu. Il y a plusieurs projets d'écriture en tête, mais aucun n'aboutit. Il n'arrive pas à se faire publier. Bref, il tire le diable par la queue dans le Paris d'après-guerre. Ouais. Et la création d'En attendant Godot va tout changer. Mais pourquoi ce choix de... C'est un Irlandais, hein, on le rappelle. Il est amoureux du français, de la France depuis longtemps. Mais pourquoi ce choix d'écrire cette pièce directement en français? Mais lui, il disait qu'écrire en français lui permettait de retrancher le superflu et de décaper la couleur. Et ça, ça donne vraiment la couleur, justement, de l'écriture de Beckett. Et d'ailleurs, après cette pièce-là, parce qu'avant, il écrivait en anglais, il a écrit des poèmes en anglais, il avait commencé un roman en anglais. Après cette pièce-là, il va presque exclusivement écrire ses romans en français et il va traduire en français les romans qu'il écrira en anglais. Et ça lui vient d'où, cet amour de la France, cet amour du français? Il a appris très jeune le français, en fait, à l'école primaire. Et puis, quand, à 17 ans, il s'est inscrit au collège, il est allé étudier en lettres et il s'est passionné pour la littérature française, Racine, Verlaine, Proust, Gide. D'ailleurs, il va d'ailleurs écrire un essai sur Proust plus tard. Puis, à 20 ans, il a une bourse pour l'été. Il s'en va en France pour améliorer son français. Il revient. Deux ans plus tard, il est nommé à Paris lecteur d'anglais à l'École normale supérieure. Il reste là deux ans. À l'époque, il devient ami avec James Joyce et puis il va devenir son secrétaire, son ami, etc. Il retourne un temps à Dublin, bon, etc., etc., etc. Puis finalement, il décide, en 1937, de s'installer à Paris pour de bon. Il s'installe dans un petit appartement proche de Montparnasse. Et à ce moment-là, il décide vraiment qu'il sera écrivain. Ouais. Et qu'il sera français. Ça va aller très loin parce que donc il s'installe définitivement en 37 en France, mais il continue de voyager. Et ce qui est intéressant, puis ça aurait pu être anecdotique, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est qu'il est de passage à Dublin, Beckett, au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate. Pour aller voir sa mère, en fait. Ouais. Mais il décide quand même de rentrer en France. Ça nous en dit beaucoup sur sa détermination, sur son amour de la France, du français, sur son choix de la France et du français aussi. On écoute le professeur de littérature à la New York University, Tom Bishop, qui parle justement de ça, de ce choix qu'il a fait à l'émission Une vie, une œuvre, Samuel Beckett, diffusée à France Culture en 2006. Il vivait déjà en France, d'abord à Paris, et puis pendant la guerre, il a dû fuir Paris parce qu'il était dans un groupe de résistance qui avait été découvert par les Allemands. C'est d'ailleurs très peu connu. Il n'en parlait pas du tout, mais Beckett était un résistant. Il était citoyen irlandais d'un pays neutre et il s'était inscrit dans un groupe de résistants et il a été obligé de fuir parce que le groupe a été, quelques membres du groupe ont été arrêtés. Et puis il s'est mis à écrire en français. C'est pas rien de changer de langue pour un écrivain. En tout cas, à partir de 1946 environ, il se met à écrire en français et dans l'espace de 7-8 ans, il va écrire en langue française ses plus grandes œuvres. Certainement les œuvres les plus connues, la trilogie romanesque, Molloy, Malone, Meur, l'innommable, En attendant Godot, fin de partie, texte pour rien, des nouvelles, enfin une créativité inouïe dans très très peu de temps, tout ça en langue française. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, Daniel Lorrain. Ça témoigne encore une fois du grand amour que Beckett a pour la France, oui. Pour le français. Rentrer au moment où la guerre éclate, rentrer quand même en France, faire partie de la résistance. Tout à fait. En fait, à partir de 1941, il s'engage dans la résistance. Il est alors agent de liaison et secrétaire pour un réseau qui coopère avec les services secrets britanniques. Donc, il tient au courant les Anglais sur les déplacements des Allemands en France, par exemple. Et donc, on le disait plus tôt, il a échappé, mais de justesse, à la Gestapo avec sa compagne Suzanne en 1942. À partir de ce moment-là, tous les deux, ils errent de cachette en cachette. D'ailleurs, petite anecdote, à un moment donné, ils passent une dizaine de jours sous le même toit que Nathalie Sarraute, qui, ah ouais. Elle aussi, se terre quelque part. Et donc, ils vont franchir la zone libre grâce à de faux papiers, grâce à un passeur. Ils vont errer plusieurs semaines et finalement s'installer dans le Roussillon où ensuite, encore une fois, Beckett va se réengager d'une autre façon dans la résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette époque-là d'errance, quand ils attendent leur passeur, ben on retrouve tout ça dans En attendant Godot, ouais. Hein, exactement. La faim, la fatigue, les pieds meurtris, le corps endolori, l'attente du passeur. Donc, et c'est pas la seule chose qu'on peut dire qu'il a reprise de ses années de guerre pour sa pièce En attendant Godot, parce que les échanges entre Vladimir et Estragon sont vraiment, ils sont toujours en train de chicaner, de s'ostiner, de, ouais. C'est vraiment n'arrête pas. Et Beckett a confié plus tard que c'était pas étranger aux disputes qu'il avait lui-même avec Suzanne, sa compagne, alors qu'il désespérait, en fait, de trouver refuge, ouais. N'est-ce pas? Et Tom Bishop soulignait, le professeur de littérature qu'on vient d'entendre dans cet extrait, ce sont pour lui de très, très grandes, ses plus grandes années d'écriture, c'est ce moment-là et c'est l'après-guerre et c'est en français. Tout à fait. Et donc, en fait, aussitôt qu'il revient à Paris à la fin de la guerre, il s'est frénétique. Il se met vraiment à écrire. Alors, toutes sortes de choses, hein. Un essai pour une revue d'art, des nouvelles qui paraissent dans les temps modernes, et un roman et une pièce, une première pièce en 1947 qui s'appelle Eleutheria, qui veut dire liberté en grec. Ça se voulait une parodie théâtre classique et ça demandait 70 acteurs minimum. Donc vous imaginez que personne n'a été intéressé à monter cette pièce. Et donc c'est à partir de ça que entre octobre 1948, janvier 1948, donc en trois mois, il achève sa pièce En attendant Godot. Et c'est reçu comment, cette fameuse pièce, au moment où elle est créée, en 1953? Écoutez, c'est présenté dans un tout petit théâtre, hein, le Théâtre Babylone, donc mise en scène de Roger Blin. Alors lui, il disait, je me réjouis, cette pièce va mettre en l'air complètement une grande partie du théâtre contemporain, aussi bien le boulevard que l'avant-garde ou la pseudo-avant-garde. Eh bien, il ne croyait pas si bien dire. Quand la pièce est créée, d'abord, la réception critique est mitigée. Dans la salle, il y a Jean Anouilh, Alain Robbe-Grillet, qui, eux, accueillent la pièce favorablement. Mais du côté du public, ça gronde. Écoutez, les premières semaines, la moitié des spectateurs sortent avant la fin de l'acte 1. Il y a des huées, des insultes, les gens s'affrontent. Après une vingtaine de représentations, il y a une bagarre qui éclate. On est au début de l'acte 2, on est obligé de fermer le rideau. Mais tout ça va servir la pièce, ouais. Ce parfum de scandale. La pièce va rester à l'affiche un an. À Paris avec salle comble. C'est une petite salle, mais quand même. Et ensuite, elle va prendre le chemin de l'Allemagne. Elle va être présentée dans une traduction de Beckett en Angleterre, aux États-Unis. Et finalement, ouais. La pièce sera jouée dans le monde entier. Et c'est parti. C'est parti pour la pièce, mais c'est parti pour lui, pour Samuel Beckett. On revient à ce qu'on disait au tout début, mais c'est vraiment cette pièce qui le met au monde. Ça change sa vie, cette pièce-là. Ben, il atteint la célébrité, en fait. Et en plus, ben, c'est fini de tirer le diable par la queue. Il peut s'acheter une petite propriété en dehors de Paris. Et là, il va écrire vraiment ses autres pièces à succès, fin de partie, Oh, les beaux jours, des pièces, encore une fois, dans lesquelles il met en place des personnages en attente. Ouais. Et pour ne pas dire immobiles, comme Winnie dans Oh, les beaux jours, là, qui est enlisée dans le sable, qui ne peut pas remuer, sauf les bras et un peu la tête. Et vous savez, cette pièce-là, Jean-Louis Roux, il faisait allusion au début à la création de la pièce dans les années 60, dans une mise en scène de Roger Blin, toujours, Madeleine Renaud interprète Winnie. C'est un rôle tellement marquant pour elle dans sa carrière. En fait, elle l'a joué jusqu'en 1986 à l'âge de 86 Incroyable. Ans. On va terminer cette émission en parlant de l'homme qui était Samuel Beckett, parce qu'on l'a peu fait depuis le début de l'émission. Donc, la dimension plus privée de Samuel Beckett. On y vient dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter l'homme de théâtre Pierre Dux, qui a connu justement Samuel Beckett et qui va nous parler de sa personnalité. Extrait de l'émission de télé française Plaisir du théâtre, diffusée à Antenne 2. Je crois que c'est un homme qui surprendrait beaucoup de gens qui ne le connaissent qu'à travers ses écrits ou à travers les critiques qu'on en fait. C'est un homme qui sourit volontiers. C'est un homme plein d'humour, c'est un homme à qui il arrive d'être joyeux et qui est toujours extrêmement, enfin en tout cas j'ai cette chance dans les rapports avec moi, extrêmement amical et affectueux. Il a aussi plein d'humour. Vous savez, on cite cette réplique de lui qu'il a faite dernièrement, dernièrement ou un peu plus tard, je ne sais pas, un journaliste un peu maladroit qui l'interviewait en lui demandant « Vous êtes anglais ?» Vous savez qu'il est irlandais. « Vous êtes anglais ?» lui demandait-on. Il a répondu « Au contraire. » C'est le genre de réplique à la Beckett. Alors parlons de cet homme, de Samuel Beckett. Qui était Samuel Beckett, Daniela? Oui, ben c'était un homme de peu de mots dans tous les sens du terme. C'était un homme très discret, secret, qui détestait les journalistes, ou en tout cas qui les fuyait. À un moment donné, il disait à Roger Blin, « Je n'ai rien à dire, mais je peux seulement dire jusqu'à quel point je n'ai rien à dire. Ouais. » Il cultivait la solitude, le silence, et on raconte d'ailleurs, je parlais de Nathalie Sarraute un peu plus tôt, qu'elle a écrit sa pièce qui s'appelle « Le silence », inspirée par l'attitude de Beckett en société, parce qu'elle trouvait cette façon de faire assez exaspérante pour elle. Parce que c'est ça, c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup. Bon, peut-être avec ses amis proches, mais bon, pour le reste, ouais, c'est vraiment l'image qui nous reste. D'ailleurs, quand il va recevoir le prix Nobel en 69, il refuse de s'y rendre, il se terre et il envoie son éditeur, Jérôme Lindon, à sa place. Ensuite, quand le Festival d'automne à Paris lui rend hommage pour ses 75 ans, il s'en va se réfugier à Tanger et il écrit à un de ses amis « Le paradis, c'est la solitude. » Et donc, il a beaucoup, beaucoup écrit et je vous invite vraiment à lire sa correspondance qui est parue aux éditions Gallimard. Le quatrième volet est paru l'an dernier. Petite anecdote, dans le troisième volume, il écrit des lettres passionnées et enflammées à une femme qui s'appelle Barbara Bray, qui était productrice pour la BBC. Parce que, autre chose qu'il faut savoir sur Beckett, c'est qu'il avait une femme dans sa vie, mais il en a eu aussi plusieurs. À côté. Oui. Daniel Lorrain, merci beaucoup. Journaliste littéraire, éditrice et auteur, merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Éric Saint-Pierre. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Ronald Georges et Pascal Michaud. À la technique aujourd'hui, Jacques Lebrun. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.